s'aiment en riant. Ils s'aiment pour toujours. Ils s'aiment tout au long du jour. Ils s'aiment tant qu'on dirait des anges d'amour. Des anges fous se protégeant quand se retrouvent en courant les amants. Les amants de cœur. Les amants. Ils s'aiment à la folie. S'effeuillant à l'ombre des feux, se découvrant comme deux fruits, puis se trouvant n'être plus deux, se dénouant comme velours, se reprenant au petit jour, et s'endormant les plus heureux. Les amants de cœur, les amants. Ils s'aiment en tremblant, le cœur mouillé, le cœur battant. Chaque seconde est une peur qui croque le cœur entre ses dents. Ils savent trop de rendez-vous où ne vinrent que des facteurs pour n'avoir pas peur du loup. Les amants, les amants de cœur. S'aiment en pleurant, chaque jour un peu moins amant. Quand ils ont bu tout leur mystère, deviennent comme sœurs et frères, brûlent leurs ailes d'inquiétude, redeviennent deux habitudes. Alors, change de partenaire, les amants. Les amants de cœur. Les amants. Qui s'aiment en riant. Qui s'aiment pour toujours, qui s'aime tout au long du jour, qui s'aime tant qu'on dirait des anges d'amour, des anges fous se protégeant quand ils se retrouvent en courant, les amants. Les amants de cœur et les amants.